Mais pour la première fois, il fait comme s'il sortait de son jardin, de son aire géographique, de son patrimoine local et intime. Johnny Cash trace alors quelque chose comme une origine instinctive et imaginaire du rock et de la pop anglo-saxonne. Merci beaucoup Romain de Becdelier. C'est là qu'on se rend compte aussi de la belle efficacité du songwriting de Martin Gore. Cette chronique est à retrouver évidemment sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. C'était sans oser le demander, aujourd'hui consacré au groupe anglais Depeche Mode. Pour aller plus loin, je signale la biographie de ce groupe Au Camion Blanc par Sébastien Michaud, mon invité d'aujourd'hui, avec le sous-titre Éthique synthétique, et chez le même éditeur et par le même auteur, Depeche Mode, parole de fan. France Culture, l'esprit d'ouverture. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h en compagnie de Jean-Benoît Dunkel. Affaires culturelles, Arnaud Laporte. Il est l'un des deux membres du groupe R, mais il poursuit depuis le début des années 2000 avec la création de son label Prototype, une aventure en solo. Alors qu'il sort un nouvel album intitulé Carbone, Jean-Benoît Dunkel revient avec nous sur ce qui nourrit ses créations. Affaires culturelles, aujourd'hui à 19h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture présente Oral Texte. Dans une société saturée de discours, cette exposition propose de revenir sur les origines du langage et de repenser nos manières de communiquer. Vidéos, installations, peintures, sculptures, performances, venez découvrir ce qu'il se passe au-delà du discours. Oral Texte, jusqu'au 23 juillet, à la Fondation Pernod Ricard à Paris. Un partenariat France Culture. Demain, nous nous demanderons qui étaient les Amazones, mais pour l'heure et sans transition, c'est le moment de la méthode scientifique. Bonjour Nicolas Martin. Bonjour Mathieu. Mission Artemis à votre sommaire aujourd'hui. Exactement, ça n'a rien à voir avec les Amazones, mais plutôt avec les Sélénites. On vous écoute et à demain. À demain. Hier, le SLS était de retour sur son pas de tir au centre spatial Kennedy pour un nouveau test et le remplissage de ses moteurs jusqu'à 10 secondes avant l'allumage et le lancement. Test globalement réussi malgré un petit problème de fuite. Voilà qui nous rapproche un petit peu plus du retour de l'être humain sur la Lune 50 ans après la dernière mission Apollo, c'était en 1972. Ce programme, c'est Artemis qui, malgré retard, pépins techniques, hésitations, devrait d'ici quelques années réussir sa mission avec pour objectif non seulement une présence pérenne à la surface de la Lune, mais surtout en ligne de mire, destination Mars. Artemis, on va remarcher sur la Lune. C'est le programme spatial qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour détailler cette mission Artemis, comprendre comment elle s'organise, ce en quoi elle diffère d'Apollo et comment elle pourrait à terme préparer donc l'envoi d'êtres humains sur Mars, j'ai le plaisir d'être en ligne en duplex depuis les studios de France Bleu Occitanie à Toulouse avec Lionel Suchet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, et à vos côtés également dans le studio de nos camarades de France Bleu Occitanie, Jean Blouvac, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes responsable du programme Exploration et Vol Habité au CNES, mais on commence par celle qui sera aux premières loges quand le programme Artemis décollera. Pour sûr. Pour sûr, ce sera Natacha Trigno pour loge en licence. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue dans la revue Science. Selon cette étude, la planète Mars, précisément encore elle, ne s'est pas formée comme nous le pensions. Et c'est une étude qui nous renseigne sur l'origine des éléments volatiles sur Mars. Une équipe américaine a travaillé sur 3 météorites martiennes et particulièrement sur Chassini. On la considère comme le meilleur échantillon du manteau martien. Ce serait un bout de manteau qui aurait été éjecté lors d'un choc et qui se serait baladé dans l'espace avant de tomber en France en 1815. Les chercheurs ont analysé les isotopes de 2 gaz rares, le krypton et le xénon. Les gaz rares, ce sont des traceurs qui retracent des processus physiques et qui nous permettent de remonter aux origines de la matière. Jusqu'à présent, on pensait que la composition chimique du manteau martien provenait de l'apport de la nébuleuse protosolaire, du gaz à partir duquel le système solaire s'est formé. Mais ici, cette étude montre que dans la composition chimique interne de Mars, on a plutôt des gaz qui sont affiliés aux astéroïdes primitifs lors de la formation du système solaire. Ce qui suggère que les éléments volatiles ont été livrés sur Mars via les météorites. Bernard Marty est professeur à l'Université de Lorraine. Il est spécialisé en géochimie de la Terre et des planètes. En gros, vous avez 2 réservoirs sur Mars. Vous avez d'une part le réservoir de surface, c'est-à-dire les éléments volatiles qui sont dans l'atmosphère martienne. C'est principalement du CO2, de l'azote et des gaz rares. Et puis, vous avez un réservoir qui est contenu dans le manteau de Mars. Et la découverte de ce papier, c'est que ces 2 réservoirs ne sont pas connectés. Donc, ça veut dire que l'atmosphère de Mars ne dérive pas directement du dégazage du manteau de la planète Mars. Donc, on a besoin d'avoir 2 provenances pour les éléments volatiles qui sont sur Mars. Et donc, ça pose un problème intéressant, c'est de savoir pourquoi on a ces 2 signatures différentes et comment elles ont pu être acquises par la planète Mars. Alors, pourquoi ce travail, on dit qu'il pourrait changer fondamentalement notre image de la formation de la planète Mars ? Parce qu'à partir du moment où vous avez 2 réservoirs, il faut imaginer des processus beaucoup plus complexes que juste le piégeage, si vous voulez, du gaz de la nébuleuse protosolaire. Quand le système solaire s'est formé, il s'est formé à partir d'un nuage de gaz avec un peu de poussière, mais c'est essentiellement du gaz, dont l'essentiel a formé le Soleil. Mais après la formation du Soleil, s'est formé un disque à partir duquel se sont formées les planètes. Et il y avait encore du gaz résiduel de la nébuleuse protosolaire. Et au bout de quelques millions d'années, ce gaz a été soufflé, en fait, par l'activité du Soleil, et il a disparu. Il faut imaginer que vous avez l'atmosphère de Mars qui aurait été contribuée par ce gaz solaire, par des rémanences, en quelque sorte, de la nébuleuse protosolaire, du gaz qui existait encore, qui persistait. Mais à l'intérieur de Mars, vous avez plutôt une signature qui s'apparente à des corps primitifs qui ont été formés et qui ont une signature qui est différente de celle de la nébuleuse protosolaire, pour beaucoup de raisons. Mais... Donc vous avez une signature qui s'apparente à celle des météorites primitives à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, vous avez une signature d'un gaz plutôt de composition de la nébuleuse initiale. Et donc il propose un modèle dans lequel vous formez une proto-Mars, c'est-à-dire une planète Mars en formation, à partir de météorites primitives, ou en tout cas de matières primitives, que maintenant on retrouve dans des météorites dites primitives. Et l'étude publiée dans Science est, comme chaque jour, postée via notre fil Twitter, @laméthodefc, ainsi que sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue Eurosurveillance, une nouvelle souche de super gonorrhée a été découverte. Et la gonorrhée, connue aussi sous le nom de chaud de pisse, c'est cette IST très courante qui peut entraîner, si elle n'est pas traitée, une infertilité chez les femmes et les hommes. Elle est provoquée par une bactérie qui, depuis les années 30, devient de plus en plus résistante aux antibiotiques. Une nouvelle souche multirésistante a été découverte en Autriche, chez un quinquagénaire qui a eu un rapport non protégé avec une travailleuse du sexe au Cambodge. Cette nouvelle souche a résisté aux traitements traditionnels ou plus rares, à l'azithromycine, à la ceftriaxone, au cefixime, au cefotaxime, à la ciprofloxacine et à la tétracycline. S'ils sont venus à bout des symptômes et des douleurs, les médecins parlent d'un éventuel échec thérapeutique avec des tests PCR toujours positifs. L'Organisation mondiale de la santé donne l'alerte depuis des décennies. L'antibiorésistance est un problème de santé publique majeur. Sans le développement de nouvelles molécules, cette maladie risque risque de devenir, à terme, incurable. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Nature Astronomy, nous avons observé un étrange objet au cœur de notre Voie lactée. Et grâce au télescope ALMA au Chili, une équipe internationale a découvert, à environ 26 000 années-lumière de la Terre, non loin du centre galactique et de notre trou noir, un immense disque protostellaire en forme de spirale autour d'une étoile. Les disques protostellaires, ce sont des réservoirs de gaz qui alimentent les proto-étoiles. Mais sa forme spirale a étonné les chercheurs. Après un travail de simulation numérique et de calculs analytiques, les chercheurs en déduisent que cette forme en spirale a été provoquée par cette étoile, une étoile de type O en formation de 30 masses solaires, et que sa trajectoire a conduit à former ses bras spiraux. Ce travail nous offre les premières images directes d'un disque protostellaire au centre d'une galaxie. Selon les auteurs, nous pourrions découvrir d'autres objets de ce genre. Merci beaucoup Natacha, et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Tout s'est donc à peu près bien passé hier en Floride sur le pas de tir du Kennedy Space Center pour le SLS, le Space Launch System, cette fusée de la NASA qui doit assurer le retour de l'être humain sur la Lune d'ici quelques années. Une petite fuite, on en reparlera certainement dans quelques instants, mais qui ne devrait a priori pas retarder le lancement d'Artemis 1, première mission de ce nouveau programme Artemis qui devrait décoller, si tout va bien, au mois d'août. On va revenir sur ce programme qui a pris pas mal de retard et pour lesquelles les incertitudes sont encore nombreuses, même si on va dans le bon sens. Écoutez notre archive du jour. Nous parlons d'Artemis en juillet 2019 et la pandémie n'est pas encore passée par là. Le 16 juillet 1969, Apollo 11 était lancé en Floride. 50 ans plus tard, une nouvelle mission se prépare à Cap Canaveral. Avec ce nouveau programme appelé Artemis, du nom de la sœur jumelle d'Apollon, nous allons envoyer le prochain homme et la première femme sur le pôle sud de la Lune. L'administrateur de l'agence spatiale américaine évoque ici la dernière phase d'Artemis prévue pour 2024, une mission qui comptera trois étapes. Une première, non habitée, avec un vol test du véhicule spatial Orion, prévu pour 2020 ou 2021, avant une deuxième mission autour de la Lune. Planifiée pour 2022, Artemis 2 se fera avec des astronautes à bord. Ces trois missions seront lancées par la plus grande fusée de tous les temps, le Space Launch System, dont la construction a pris du retard. Nous en sommes au milieu de nos essais, de notre vérification et de notre validation pour nous assurer que nos systèmes au sol répondent aux exigences et soutiennent pleinement le véhicule aérien. Contrairement au programme Apollo, la NASA veut cette fois assurer une présence durable sur la Lune en s'associant à d'autres agences spatiales et à des sociétés privées. Objectif, construire une infrastructure sur le sol lunaire pour extraire de l'eau, de l'oxygène et de l'hydrogène. Voilà ce reportage qui date donc de juillet 2019. Votre réaction à l'un et à l'autre, Lionel Suchet, effectivement le calendrier n'est plus tout à fait à jour. Oui, effectivement, on a annoncé là 2020-2021 pour l'étape 1 non habitée, le lanceur est sur son pas de tir, donc ça va partir cette année, donc on a un 2 ans de retard, enfin les Américains ont un 2 ans de retard sur ce lancement. Bon, c'est quelque chose, vous savez, quand on fait du spatial, on est habitué à faire des choses extrêmement complexes, à la limite de ce qu'on sait faire, donc c'est rare que des projets prennent de l'avance, quoi. On rencontre toujours des soucis, vous avez parlé de cette fuite, ils sont en train de faire les essais combinés entre le lanceur et le pas de tir, c'est le moment où on se rend compte de comment marchent les interfaces en mode nominal, en mode dégradé, donc on a plein de choses à vérifier, c'est tout à fait normal qu'on ait des petits soucis à ce stade-là et que sur un programme aussi complexe que Artemis et que ce lanceur SLS, on est des retards comme on le voit. On va revenir hein, d'ailleurs sur ce test. Vous allez peut-être préciser un peu parce qu'on parle de fuite. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est important? Vous allez nous dire un mot. Mais oui, Jean Blouvac également peut-être un mot, une réaction. Par ailleurs, non seulement on est habitué et on le sait, on en parle souvent à ce micro des retards dans le domaine du spatial ou de l'augmentation des coûts. Mais là, il y a eu qui plus est par ailleurs une pandémie qui est passée par là et qui n'a certes pas facilité à accélérer le programme. Ou à respecter les délais. La pandémie, oui, a certainement pas facilité la phase finale de ce programme, puisque les gens ont été interrompus et avaient des difficultés pour venir sur les sites travailler. Après, ce qu'il faut voir, c'est que ce lanceur, c'est comme le lanceur le plus puissant actuellement qui aura été jamais réalisé. Et donc, la NASA ne veut prendre absolument aucun risque et tester absolument tous les cas de figure. Et donc, c'est pour ça que cet essai de remplissage, qui est l'essai final avant de prévoir le premier tir, fait l'objet de vérifications et permet de détecter tout un tas de petits problèmes qui s'enchaînent les uns après les autres, mais qui sont résolus derrière. Et donc là, ils sont cette fois arrivés. Alors, ils avaient un objectif de s'arrêter à 9 secondes à peu près avant la mise à feu des moteurs. Évidemment, dans un essai, on ne va pas mettre à feu les moteurs. Mais donc, ils sont arrivés un petit peu plus loin, à moins 19 secondes, en fait, du tir, avec une fuite qui devait se situer au niveau d'une possibilité de vidange d'excès d'hydrogène. Ils avaient également des petits problèmes de feu dans les autour des installations sol qui permettent de dégazer l'hydrogène lorsqu'on évacue les surplus avec la mise en vapeur des excès de carburant. Lionel Suchet, ces petits contretemps ou ces petits retards, je ne sais pas très bien comment les qualifier d'ailleurs, ces petits incidents, disons, est-ce qu'ils aujourd'hui remettent en cause le tir d'Artemis 1 et du SLS qui normalement a été annoncé pour le mois d'août? Est-ce que ça va redécaler un peu dans le temps d'ajuster ces choses-là, ou est-ce que pour le moment ça ne change plus rien et que le calendrier reste fixe? Non, c'est une fois de plus ce genre de choses vu lors des essais combinés, là, lors des répétitions, c'est assez classique. Et bon, on n'est pas encore au lancement, donc tant que le lancement n'a pas lieu, on peut pas exclure qu'il y ait encore des petits retards. Mais ça remet pas du tout en cause le planning tel qu'il a été annoncé. Et donc normalement, il devrait lancer en août. Si c'est pas août, c'est fin août, début septembre. Mais enfin, ça arrivera à ce moment-là. Il n'y a pas de remise en cause du lancement. Aujourd'hui, en un mot rapide, et on va évidemment rentrer dans le détail de ce programme Artemis de la NASA, mais pas seulement, hein, vous allez l'entendre, l'ESA, les Européens et le CNES ont des billes dans ce projet. C'est un projet collaboratif, et d'ailleurs c'est aussi une partie importante de ce projet. Grosso modo, aujourd'hui, Jean Blouvac, le calendrier prévisionnel, avec évidemment beaucoup de précautions, jusqu'au moment où un être humain, une femme, espérons-le, et un homme poseront leurs pieds une nouvelle fois sur la Lune, c'est quoi à peu près? Alors, donc, le premier tir d'Artemis devrait avoir lieu fin août, peut-être avec quelques jours ou quelques semaines de retard, mais on est en effet dans ce calendrier. Donc, un premier tir pour un vol qui sera un vol robotique sans être humain à bord. Un an après devrait intervenir, en 2023, un tir qui va permettre d'aller faire le tour de la Lune avec un équipage à bord cette fois. Et puis ensuite, l'objectif est deux ans plus tard, donc à partir de 2025, mais dépendant aussi évidemment de ce qui va être découvert sur les deux premiers tirs, le premier vol habité à destination qui doit permettre ensuite à des astronautes de se poser à la surface de la Lune, donc un homme et une femme, et deux astronautes américains sur ce premier tir. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc du programme Artemis qui a pour ambition, vous venez de l'entendre, en 2025, de renvoyer des êtres humains sur la Lune. Il faut bien préciser, Lionel Suchet, que ce programme Artemis, ça n'est pas une redite du programme Apollo, c'est un programme qui est le point de départ finalement d'une nouvelle ère de l'exploration spatiale qui est radicalement différente que la simple idée d'aller faire des allers-retours de quelques jours sur la Lune, comme ça a été le cas, et ce qui était évidemment tout à fait admirable et remarquable pour Apollo entre 69 et 72. Ah oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'il est très important de comprendre. C'est-à-dire que, comme vous dites, c'est pas une redite d'Apollo. Apollo, c'était un exploit extraordinaire à l'époque. D'ailleurs, ça le serait toujours aujourd'hui, hein, de lancer un équipage, se poser sur la Lune, planter un drapeau, ramener des échantillons. C'est toujours un exploit assez extraordinaire. À l'époque, c'était tout à fait inouï. Mais ce n'était qu'un aller-retour. Et ce qui change drastiquement cette fois-ci, c'est qu'on envoie des femmes et des hommes sur un autre astre pour s'y implanter de façon durable, c'est-à-dire construire une base permanente et habiter de façon permanente pour mener des activités scientifiques, technologiques. Et donc c'est ça, ça change énormément de choses par rapport au projet initial. Oui, Jean Blouvac, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce programme Artemis, il vient avec tout un package, j'ai envie de dire, de changements de notre rapport à l'espace et peut-être même donc l'ouverture, on en parlera tout à l'heure, sur d'autres voyages et notamment sur un voyage vers Mars, parce que il est question avec cette mission d'installer une base permanente, semi-permanente, ou en tout cas petit à petit d'en poser des éléments, d'installer une station spatiale orbitale autour de la Lune. Bref, c'est tout un programme complet qui doit ouvrir la porte finalement à d'autres missions pour la suite. Il faut avoir tous les éléments en effet qui vont permettre de rester de façon plus durable et plus longue à la surface de la Lune, de manière progressive, puisque ça va être réalisé de façon incrémentale. Donc la première étape, c'est d'avoir un lanceur qui a la capacité d'amener suffisamment de masse pour pouvoir transporter un vaisseau qui lui-même permettra à des astronautes de se déplacer entre la Terre et la Lune. Ensuite, il va falloir prévoir une petite station orbitale qui va être autour de la Lune, que l'on appelle le Gateway, et qui va permettre de servir de relais un petit peu, et ou de poste avancé, ou de poste de secours pour les astronautes dans des périodes lorsqu'ils iront vers la Lune ou lorsqu'ils apprendront à vivre dans l'espace de façon encore plus longue que ce que l'on faisait jusqu'à maintenant. Et un peu différemment de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, puisque là, on est quand même protégé par le champ magnétique de la Terre en étant à l'intérieur des ceintures de Van Allen. Ensuite, il y aura évidemment toute la partie de surface, avec d'abord un transport entre le Gateway et la surface, ou entre, de toute façon, des orbites lunaires et la surface, et puis des habitations, des moyens de transport, des laboratoires qui seront en surface de la Lune. Alors, si on prend tous ces éléments un par un, Lionel Suchet, où en est-on aujourd'hui, scientifiquement et techniquement? Est-ce qu'on a aujourd'hui le savoir et la technologie pour faire absolument tout, ou est-ce que ça demande encore un peu d'effort de recherche? Le SLS, on va dire que c'est quasiment bon. La capsule Orion qui transporte, on va dire qu'on y est presque, mais après? Il y a tout un tas de choses qu'on va apprendre. Alors on peut pas dire qu'on n'est pas prêt à y aller. D'ailleurs, si on a lancé le programme et si on est prêt à lancer le lanceur, c'est pour enclencher la suite. Donc au niveau technologique, on est prêt à réaliser ce qu'il faut réaliser pour avoir une base lunaire et puis une station autour de la Lune qui ressemblera d'ailleurs un peu à celle qu'on a autour de la Terre et qui fonctionne déjà avec la Station Spatiale Internationale. Par contre, on va apprendre beaucoup de choses et c'est là où on a de grosses différences entre une mission one shot comme était Apollo ou une mission pérenne comme est cette nouvelle ère de l'exploration. C'est que en implantant une base permanente sur la Lune et puis demain sur Mars, il va falloir savoir construire l'habitation sur la Lune, c'est-à-dire qu'une première base, ça peut être des bidons comme vous avez sur l'ISS qui sont posés sur la Lune, c'est une première étape, mais derrière on va vouloir construire avec le régolithe, avec les matériaux qui sont sur place, donc la poussière lunaire si vous voulez, faire de l'impression 3D pour faire des bâtiments, on va vouloir nourrir cet équipage sur quelques jours, mais sur plusieurs mois, sur plusieurs années, donc avec des aliments frais. Donc comment nourrir l'équipage, comment assurer son support vie, sa santé sur une longue période, comment ravitailler cette station, donc la logistique, la santé, l'agroalimentaire avec la nutrition, la construction d'habitations, la mobilité autour de la base, tout ça, ça fait appel à des techniques, à des technologies qui sont développées aujourd'hui sur Terre, qui sont non spatiales, et qui tout d'un coup se sentent happées, propulsées dans le spatial, parce que cette exploration de demain a besoin de ces domaines-là. Et je connais déjà des sociétés qui sont très bien implantées sur Terre, en logistique par exemple, ou en agroalimentaire, et qui disent demain, c'est moi qui serai l'acteur du spatial. Et donc, autant Apollo était l'affaire de sociétés purement spatiales, pour faire l'aller-retour et dans un vaisseau très, très, très, très sophistiqué, etc., mais qui restait dans un monde spatial, autant là, on a une ouverture à tout tout un pan d'activité qui dépasse largement le monde du spatial. Et ça, c'est très, très nouveau. Oui. Jean Blouvac, pour qu'on estime tout ça, parce que effectivement, quand on entend ça, quand on entend construire en 3D sur la Lune à partir du régolithe, on sait qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes. Vous l'évoquiez d'ailleurs à l'instant. Quand on est sur la Lune ou en orbite autour de la Lune, on n'est pas protégé par le champ magnétique terrestre. Et donc, il faut protéger les astronautes de ces rayonnements qui sont très, très cancérigènes et très dangereux pour la santé. On a le sentiment d'être un peu pas loin de la science-fiction quand même. On se dit c'est For All Mankind quoi, cette merveilleuse série cette uchronie qui réinvente la course à l'espace et qui imagine qu'elle a continué parce que les Russes sont arrivés en premier au lieu des Américains. Aujourd'hui, comment vous qualifieriez-vous, Jean Blouvac, le niveau d'avancement finalement scientifique et technique, de savoir-faire pour implanter toute cette technologie-là? Je crois d'abord que puisque de la science-fiction, c'est plutôt un peu ce qui nous fait rêver, et ce qui donne un peu à l'ensemble des personnes un peu cette image du spatial. Il n'y a qu'à voir l'intérêt suscité par diverses réalisations, que ce soit des astronautes comme Thomas Pesquet récemment, comme ses collègues allemands ou italiens, ou des missions de plus de petits rovers lorsque on est allé poser sur la comète le petit rover Rosetta et Philae. Français, Rosetta et Philae, voilà. Donc ça, c'est des choses qui font rêver les gens et qui amènent un peu cet esprit intéressant. Alors ensuite, techniquement, aujourd'hui, pour aller sur la Lune, on y est déjà allé. Donc on a des choses que l'on retrouve un petit peu, et c'est le fait de la modernisation, le fait de moins prendre de risques qui constitue la nouveauté. Dans les réalisations qui sont aujourd'hui et qui vont amener à nouveau les premiers hommes sur la Lune, se pose la question du véhicule qui va remplacer ce qu'on appelait le LEM avant, qui est ce véhicule en papier aluminium finalement, qui permettait aux astronautes de se poser à la surface. Et donc là, il faut que ce nouveau modèle soit mis en place. Et c'est ça qui amène encore peut-être un peu des questionnements pour savoir si dès 2025 les astronautes seront sur la Lune. Le HLS, on l'appelle, le Human Landing System. Exactement. Et donc, il y a aujourd'hui une version qui est réalisée d'un côté à partir du très gros véhicule de la société SpaceX, ou des appels à idées aussi auprès des anciennes sociétés plus conventionnelles du spatial, ou des nouvelles comme Blue Origin, mais également Northrop Grumman, Boeing, qui regardent d'autres possibilités. Et on attend de savoir un petit peu comment cela va se préparer. C'est aujourd'hui le point de retour le plus difficile. Et après, il y a tout le côté habitation, évidemment. Oui. Tout ce côté-là, mais on va peut-être en reparler. Oui, justement, restons un peu là-dessus. Alors, parce que j'aimerais, on va parler également de la place de l'Europe, parce que là, on entend beaucoup d'acteurs privés, publics, qui viennent des États-Unis. La grande différence d'Artemis, contrairement à Apollo, c'est qu'une fois de plus, ça s'est beaucoup diversifié. L'ESA participe, et notamment via le CNES, justement à cette mission. On va y revenir dans un instant. Mais Lionel Suchet, si on reste, ou Jean Blouvac d'ailleurs, je ne sais pas qui veut le répondre, ce serait quoi les prérequis de ce Human Landing System par rapport au LEM? Qu'est-ce qu'on attend de lui en plus, puisque si on imagine que cette fois-ci il faut en laisser un peu pour arriver, comme vous le disiez, de façon incrémentale à construire et à laisser des équipements pour finalement habiter ce satellite de manière pérenne, comment est-ce qu'on l'imagine et quelles sont les idées qui circulent? Jean Blouvac, pardon. Alors il y a des concepts qui sont un petit peu différents en fonction de la société qui l'apporte, mais je crois qu'une des idées novatrices principales, c'est le fait d'avoir des véhicules plus réutilisables, avec des parties qui pourront servir vraiment plusieurs fois. Alors peut-être pas tous les éléments de ce LEM, mais on a quand même l'idée d'être dans des développements beaucoup plus durables et beaucoup plus soutenables et beaucoup plus, entre guillemets, propre maintenant, de façon à utiliser au mieux les ressources qui sont. Et puis, l'autre domaine dans lequel il y a de l'intérêt maintenant, c'est de ne pas avoir uniquement des programmes conduit par uniquement les agences spatiales, mais d'impliquer tout un écosystème économique avec des opérateurs privés qui vont fournir des services. Et ça, c'est aussi une des nouveautés et qui va permettre et des investissements privés et surtout des choses plus durables avec des idées nouvelles et des idées innovantes. Oui, juste si vous me permettez. Je vous en prie, allez-y. Jeter quelque chose. Effectivement, ce qui va changer, c'est quand même ce véhicule. Il sera d'abord, on a la technologie pour faire des véhicules beaucoup plus fiables. Il faut savoir qu'Apollo, il prenait des risques considérables à l'époque. Hein. Je rappelle que quand Armstrong s'est posé, il avait quelques secondes de carburant dans le LEM et il a décidé de se poser très rapidement, un peu en urgence, parce que il était short pétrole. Donc ça, c'est plus possible aujourd'hui. Donc on a des technos pour faire des choses plus fiables en prenant moins de risques vis-à-vis des équipages. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est toute une infrastructure qui va se construire avec des landers, ce lander-là, mais d'autres landers, des landers automatiques qui vont amener de la logistique, du matériel, des charges utiles, des landers habités. Il y en aura un au début, mais il y aura peut-être plusieurs parce qu'il faut de la redondance. Et puis donc des outils, des véhicules, comme le disait Jean, réutilisables. Et ça, c'est très important parce qu'on aura toute une logistique. On n'aura pas des missions one-shot, comme je disais, c'est-à-dire on fait un aller-retour et puis la mission est terminée. On aura en permanence à ravitailler cette station, à y aller, à revenir, et il faut des véhicules réutilisables. Donc réutilisabilité, multiplicité des véhicules, habités, non habités, et puis redondance entre des véhicules de conception différentes. Donc les Européens et la France aura toute sa place dans cette aventure en fournissant des éléments. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait déjà, puisque On a une petite coupure à nouveau. Mais Capsule Orion avec un morceau qui est ouais. Européen et largement français. Alors justement, racontez-nous un peu, Lionel Suchet, quelle est la part de l'Europe dans ce programme Artemis? Effectivement, dans la Capsule Orion, on a envie de savoir du CNES en particulier et de l'ESA en général. Alors, la partie française, européenne et française de la capsule Orion, c'est la partie, le bloc moteur, si vous voulez, toute la partie propulsive de la capsule qui a été développée par Airbus Defence and Space et qui donc, une société française qui fait du spatial et qui a été livrée in kind quelque part par l'Europe, c'est-à-dire c'est du troc, on fournit cet élément en contrepartie du vol de nos astronautes ou de l'utilisation demain de l'infrastructure. Donc plutôt que de payer les Américains et l'industrie américaine avec des euros ou des dollars, on développe chez nous des compétences et de l'activité, donc on dépense le budget chez nous pour fournir du matériel et participer à l'exploration. Et ce bloc moteur d'Orion en est le parfait exemple avec Airbus et Phantom Space. On a aussi, vous savez, Thales Alenia Space, qui est le champion du monde aujourd'hui des modules pressurisés sur la Station Spatiale Internationale. C'est eux qui ont fait tous les modules pressurisés, ou pratiquement tous les modules pressurisés qui sont à bord. Dans le cadre d'Habitat demain sur la Lune, c'est eux qui sont bien placés pour livrer les éléments des modules, de certains modules sur la Lune et des modules, ça c'est déjà décidé, de la station qui orbitera autour de la Lune. Du Lunar Gateway. De la technologie, on a du savoir-faire pour participer à cette aventure. Y a d'autres pays qui sont concernés, j'imagine, Lionel Suchet, il n'y a pas que la France. J'imagine qu'il y a des partenaires européens de l'ESA, que l'ESA a réussi à trouver une place. Je le disais, peut-être qu'on en reparlera, c'est peut-être pas le moment d'en parler tout de suite, mais la France a signé il y a peu de temps les accords Artemis. On en parlera dans la deuxième partie, on va pas mélanger les choses. Toute l'Europe, je veux dire, tous les membres de l'ESA participent d'une manière ou d'une autre. Ça se passe comment? Ce sont des appels d'offres. Il y a des appels d'offres qui ont d'ores et déjà été gagnés, qui sont remportés, qui sont signés. Où on en est exactement? Alors tous les trois ans, et ça sera cette année en novembre à Paris, il y a ce qu'on appelle une grande conférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne, de l'ESA, où au niveau ministériel, au niveau ministre en charge de chacun des pays, les gens se réunissent pour tous les participants, pour tous les membres de l'Agence spatiale européenne, et décident de la participation de chaque pays au programme. Alors il y a un grand programme à l'ESA qui s'appelle le programme obligatoire, qui est le programme sciences de l'univers, astronomie, etc., planétologie, mais le programme exploration, comme l'observation de la Terre ou les télécommunications, sont des programmes dits optionnels. C'est-à-dire que chaque pays décide, tous les trois ans, quel est le montant qu'il va mettre sur ce programme. Et en fonction des sommes qui sont mises par les différents pays, l'ESA construit le programme avec ce budget et fait bénéficier l'industrie des pays qui ont mis l'argent. Voilà comment ça marche. Et un dernier mot vraiment sur la partie technologique et technique, Jean Blouvac, vous diriez qu'aujourd'hui, dans l'ensemble de ce réseau qui va se déployer, donc du SLS, la capsule Orion, le Lunar Gateway, petit à petit les modules lunaires, le ravitaillement permanent, le réutilisable, tout ça, etc. Vous diriez sur quelle partie il reste le plus d'efforts scientifiques, de recherche, peut-être d'argent aussi à consentir pour pouvoir être sûr d'avoir quelque chose d'utilisable, disons, dans les 5 ans qui viennent. Je crois que la partie vraiment qui va rester à développer, c'est la partie qui va permettre d'habiter et de rester en surface de la Lune. Là, il y a vraiment tout, et on est encore au niveau des parties un petit peu d'innovation. Pour le moment, en effet, on a cherché à aller sur la Lune, et donc c'est ce qui se passe avec le SLS, le véhicule Orion et le service module dont parlait Lionel, qui est quand même vraiment une pièce essentielle. C'est pour ça que l'Europe, d'ailleurs, est vraiment un des partenaires principaux de ce programme, et que les Américains franchement discutent et prennent vraiment en considération l'Europe dans ce domaine-là, alors que l'on consacre des budgets bien inférieurs à ceux que les Américains mettent en place. Et donc maintenant, tout cet aspect occupation de la surface, développement des activités liées au support vie, développement des activités liées à la protection des radiations, développement de ce qui est véhicules de transport, de systèmes automatiques, de systèmes qui vont permettre de préparer des occupations très longues, y compris des voyages pour plus tard vers Mars. Tout ça, c'est le domaine d'innovation. Et c'est particulièrement intéressant parce que, comme on travaille sous contrainte sur la Lune, potentiellement, on va trouver des retombées terrestres, oui, puisqu'on va être obligé d'utiliser au mieux les ressources, d'être le plus économe possible, d'utiliser tout ce qui est déchets, de minimiser ceci. Et ça, avec ce travail sous contrainte, d'avoir l'énergie au mieux, tout cela, ça a potentiellement des intérêts ensuite pour la Terre. Et nous essayons de focaliser, en tout cas côté français, nos positionnements sur ces domaines. Oui, ça, c'est un grand classique de l'exploration spatiale, hein, la réutilisation ensuite et l'utilisation de ces technologies spatiales et lunaires, et leur exploitation pour des choses concrètes ici-bas, pour nous pauvres êtres humains qui n'avons pas la chance d'aller faire un tour sur notre beau satellite. Et comme on l'a dit depuis le début, et comme vous allez l'entendre, la Lune, ce n'est qu'un petit pas qui fut naguère un pas de géant. Le prochain pas est un peu plus loin. Il est pour la planète suivante, et cette exploration et cette mission Artemis a bel et bien l'intention d'ouvrir la porte directement vers Mars. On en parle dans quelques secondes musicales. Last Steps on the Moon de The Walden Experience à 16h35 sur France Culture, puisque nous parlons donc du programme Artemis qui doit renvoyer d'ici quelques années des êtres humains sur la Lune. Nous en parlons avec Lionel Suchet qui est directeur général délégué du CNES et Jean Blouvac qui est responsable du programme Exploration et Vol Habité au CNES. Ils sont tous les deux avec nous en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Occitanie à Toulouse. Et comme je vous le disais, si l'ambition première du programme Artemis est évidemment de retourner sur la Lune avant tout, l'ambition seconde est d'aller jusqu'à l'étape d'après, à savoir Mars. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas. Pour comprendre pourquoi la Lune est une étape avant Mars, vous êtes rendu au siège du CNES pour retrouver une voie familière de méthode scientifique. Et oui, j'ai vu Francis Rocard, responsable des programmes d'exploration du système solaire. Il m'a expliqué, lui, la phase 3 d'Artemis prévue pour 2025 normalement, avec l'objectif de sonder l'eau du pôle sud de la Lune. À partir des gisements de glace d'eau, l'enjeu serait de produire du carburant pour les besoins d'un voyage vers Mars, donc, et c'est le rover Viper de la NASA qui sera chargé de sillonner le terrain pour évaluer la quantité d'eau et ainsi confirmer ou non la faisabilité du projet. L'idée des Américains, c'est pas la Lune pour la Lune, c'est la Lune pour Mars. Le point important, c'est que on ne peut pas reproduire ce schéma pour aller sur Mars. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on va tout faire en parallèle et puis on sera sur Mars dans 15 ans. C'est complètement exclu pour des raisons notamment budgétaires. D'où la nécessité d'étaler les dépenses dans le temps et donc de procéder par des étapes stratégiques appelées pathway aux États-Unis, c'est ça le terme. Ce qui est relativement clair, c'est que les Américains s'intéressent à un endroit particulier de la Lune qui est le pôle sud. Il y a deux raisons à cela. À peu près partout sur la Lune, sauf au pôle, vous avez entre le jour et la nuit, le jour dure 2 semaines, la nuit dure 2 semaines, c'est très long, vous avez un écart de température de 300 degrés. Donc en pratique, il est extrêmement difficile d'imaginer une base lunaire à cause de ces problèmes thermiques. Alors que quand vous êtes au pôle sud, vous pouvez être sur des endroits un petit peu surélevés qu'on appelle des pics de lumière éternelle, ou quasi éternelle. C'est-à-dire que, un petit peu comme l'été au pôle, vous avez le soleil permanent. Et le soleil tourne, il est rasant, il est bas sur l'horizon, il tourne et le soleil va faire un tour en un mois, puisque la Lune fait un tour en un mois. Donc il n'y a pas de delta trop extrême de température. Exactement. Donc on est dans un schéma du point de vue de température qui est bien plus favorable. En plus, on a quasiment de l'énergie solaire en permanence. Donc ça aussi, c'est extrêmement favorable. Et deuxième argument pour le pôle sud, c'est le fait qu'il y a un besoin d'eau pour préparer les missions habitées vers Mars. Notamment, l'équipage qui partira vers Mars pourrait faire le plein d'eau à ce qu'on appelle la Gateway, donc cette station d'orbite lunaire, et ensuite, via un survol de la Terre, partir vers Mars. C'est un schéma qui est tout à fait cohérent. En plus, cette eau, on peut la dissocier en oxygène et hydrogène et en faire du carburant de fusée. Donc, si tout va bien, si on peut exploiter cette eau, ça reviendra moins cher de l'exploiter plutôt que de la porter de la Terre. Voilà, ça c'est l'argument strictement financier. Et à ce moment-là, on peut concevoir que la Gateway soit une station-service qui permette de faire le plein et de partir vers Mars. Et donc c'est l'objet d'Artemis 3, 4, 5, 6, on verra jusqu'à quand ça va se... Mais il va y avoir des étapes importantes, notamment en 2023, avec l'arrivée d'un premier véhicule qui va se poser au pôle sud, qu'on appelle Viper, qui est un rover à 4 roues, dont l'objectif est justement d'essayer de quantifier, on ne peut le faire que depuis la surface, la réalité de cette glace d'eau dans le sol. Et l'intérêt numéro un, c'est vraiment l'exploitation. C'est de savoir, par exemple, est-ce qu'il y a, je dirais, 1 litre d'eau par mètre cube dans le sol ou est-ce qu'il y a 100 litres d'eau par mètre cube dans le sol. Aujourd'hui, on n'est pas capable de répondre à ça. On n'est pas capable de donner une estimation sur la zone géographique. On ne sait pas quantifier. On ne peut pas dire, on va trouver 100 litres d'eau par mètre cube. Tant qu'on n'a pas fait cette quantification, il est très difficile d'imaginer que c'est intéressant d'exploiter cette eau. S'il y en a trop peu... il va falloir renoncer, on ne le fera pas. S'il y en a beaucoup, à ce moment-là, on peut passer à l'étape suivante et imaginer son exploitation. Mais alors, comment en pratique on fait donc un rover qui va forer dans la profondeur sur une telle surface? Exactement, c'est ce que va faire le rover Viper. Il va forer sur une profondeur pas très importante, Tout simplement parce que si c'est trop important, on n'y arrivera pas. Donc c'est typiquement sur le premier mètre qu'on va forer. Et on va assez rapidement quantifier, sous forme de glace, combien il y a d'eau dans le sol. Si on n'arrive pas à le faire, ça complique le problème. Ça ne veut pas dire que la mission est infaisable. Ça veut dire que ça va coûter plus cher d'amener l'eau depuis le sol. Il y a une autre technologie qui est facilitante et que les Américains sont en train de réétudier, ils l'avaient déjà fait dans les années 70, c'est la technologie nucléaire spatiale. Et la technologie nucléaire spatiale, ça concerne l'énergie, donc des petits réacteurs nucléaires pour avoir de l'énergie électrique, notamment quand il va falloir exploiter l'eau et le CO2 de Mars. On aura besoin, notamment pour fabriquer les ergols, ça serait plutôt de l'oxygène liquide et du méthane liquide, à partir du CO2 atmosphérique d'une part. D'ailleurs, je vous rappelle qu'à bord de Persévérance, il y a un instrument qui s'appelle MOXIE. Et MOXIE, c'est un démonstrateur de l'exploitation du CO2 et transformation du CO2 en oxygène. Donc ça marche, mais aujourd'hui, on fait quelques grammes d'oxygène. Pour remplir une fusée qui va redécoller de Mars, c'est probablement plusieurs tonnes, voire une dizaine de tonnes d'oxygène liquide qu'il va falloir fabriquer. Et là aussi, il y a un énorme point d'interrogation. Il faudrait fabriquer de l'oxygène liquide à partir du CO2, et puis en utilisant ce carbone, et également fabriquer du méthane liquide. Alors pourquoi du méthane liquide? Parce que l'hydrogène liquide est une possibilité, mais en pratique, c'est extrêmement difficile de stocker l'hydrogène liquide, du fait d'une température extrêmement basse. En pratique, les réservoirs d'hydrogène liquide perdent beaucoup de chaleur et donc on ne peut pas les stocker longtemps. Or, le véhicule qui va attendre, par exemple, en orbite martienne, pourrait attendre un an et demi. Et pendant ce laps de temps, tout l'hydrogène va s'évaporer et il n'y aura plus rien dans les réservoirs. Donc, le choix a été fait de moteur oxygène-méthane. C'est d'ailleurs le choix de SpaceX également. La NASA fait ce choix parce que l'argument étant que ce sera plus facile de stocker l'oxygène et le méthane plutôt que d'arriver à stocker l'hydrogène. Voilà Francis Rocard sur l'après, le futur de cette mission Artemis qui n'est pourtant pas déjà encore, qui n'a pas encore posé le bout du doigt de pied sur la Lune. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Lionel Suchet ? Effectivement, ce que dit Francis est tout à fait exact. Je voudrais juste rajouter deux petites précisions qui vont dans son sens. Hein. Et pourquoi il sera intéressant demain d'envoyer les fusées, sans doute depuis la Lune, pour partir sur Mars. Parce qu'une fusée, ce qui fait son poids, hein, 90% de sa masse au décollage, c'est quand même du carburant. Et comme le disait Francis, si on sait faire le plein sur la Lune plutôt que sur Terre, ben on décolle de la Lune et on décolle pas de la Terre. Et c'est très différent parce que la gravité est quand même un sixième sur la Lune de ce qu'elle est sur Terre, c'est-à-dire que vous pesez six fois moins lourd sur la Lune que sur Terre, donc vous imaginez, pour lancer une fusée de 600 tonnes, ben c'est comme si vous la lanciez, si elle pesait 100 tonnes sur la Terre, donc c'est un gain extrêmement important. Et puis, autre gain très très très important, quand vous lancez une fusée depuis le sol, depuis la Terre, il vous faut traverser les couches denses de l'atmosphère, qui consomment énormément d'énergie, parce que vous frottez énormément dans l'air, parce que cette atmosphère est dense, et donc freine votre véhicule et votre fusée. Et ça coûte énormément d'énergie. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, pas d'atmosphère, la gravité, un sixième de celle qui est sur Terre. Si on a la capacité d'envoyer des vaisseaux relativement légers et de faire le ravitaillement sur place, puis de partir de cet endroit pour aller sur Mars, c'est un gain très très important pour la mission martienne. La vitesse de libération depuis la Lune, elle est de combien par rapport à la Terre ? Vous avez le chiffre en tête ou pas ? Ou c'est un piège? C'est peut-être un piège. Non, j'avoue. Jean Blouvac, non. Peu importe, on la trouvera. On 11 km seconde. Mais ouais, c'est ça. Oui, mais elle est beaucoup plus, elle est forcément beaucoup plus faible. Bien sûr. Jean Blouvac, une réaction aussi à ce reportage avec Francis Rocard. Eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le côté incrémental de la chose. Donc aujourd'hui, depuis 20 ans, des gens sont dans l'ISS, travaillent, vivent, font des expériences scientifiques, mais sont toujours protégés, en effet, des radiations. Ils sont juste à 400 km de la Terre, ils sont à quelques heures pour pouvoir y aller et revenir, donc c'est une première étape. Lorsqu'on est sur la Lune, on est 1000 fois plus loin, 380 000 km au premier ordre. On met plusieurs jours pour y aller et en revenir. Et déjà, on est sorti, par contre, en effet, de cette protection des radiations. Et puis, l'étape d'après, c'est Mars. Et là, dans le pire des cas, on est encore 1000 fois plus loin. donc c'est 1 million de fois plus loin que l'ISS. On est à plusieurs mois, voire même années, pour faire l'aller-retour. Et puis, phénomène complémentaire, on ne peut plus communiquer immédiatement et donc être contrôler tout le temps depuis la Terre. Les conversations vont prendre entre 3 et 20 minutes pour simplement un aller par la distance et à la vitesse de la lumière pour les conversations, pour l'aspect conversation. Donc les gens vont devoir être complètement autonomes. Et donc c'est ces aspects-là que l'on va préparer en allant sur la Lune et que ce soit au niveau donc, de toutes ces techniques pour l'autonomie, mais également pour la constitution du vaisseau qui permettra de faire le transit et de maintenir en vie les astronautes et dans des bonnes conditions pendant tout ce voyage pour l'aller et préparer le retour aussi, puisque l'intention est bien de ramener ces êtres sur Terre. Alors, on va sur Mars, on se rend compte qu'il y a encore de nombreuses étapes à franchir, dont celle que vous venez de décrire, Jean Blouvac. Mais par exemple, Lionel Suchet, quand on entend Francis Rocard dire qu'il faut qu'on apprenne finalement à faire du carburant sur la Lune, bon, on sait maintenant, grâce aux missions Apollo, grâce aux missions automatisées, qu'il y a de l'eau sur la Lune. Néanmoins, on sait qu'il y en a a priori peu, qu'il y en a un peu plus au pôle, mais cette eau, il faut encore l'extraire, il faut la traiter, il faut la transformer. Ça, aujourd'hui, c'est un processus industriel qu'on maîtrise ? Théoriquement, oui. Maintenant, toute la question est de passer de la théorie à la pratique et de faire ça sur un autre astre que la Terre. Vous voyez, il y a une grande différence entre un équipement que vous opérez avec des centaines de personnes autour qui sont là pour régler les paramètres et le réparer quand il est en panne, et puis un équipement que vous opérez sur la Station Spatiale Internationale ou demain sur la Lune avec 2, 3, 10 astronautes autour qui sont pas spécialistes de tous les domaines, qui ont pas conçu l'engin. Et ça, c'est très, très différent, on s'en rend pas compte, mais ça n'a rien à voir. Et donc, avoir des usines qui vont pouvoir extraire l'eau en très grande quantité, avoir des usines qui vont pouvoir hydrolyser cette eau pour en faire de l'hydrogène et de l'oxygène, tout ça avec des astronautes autour qui seront ceux qui auront construit ces usines-là, etc., en tout cas au début et pour un bon bout de temps, c'est très différent. Donc tout ça est à concevoir et il faut apprendre à faire ça. Et même si la technologie est théoriquement maîtrisée, même si elle existe sur Terre, la développer et la mettre en œuvre sur la Lune, c'est une toute autre affaire. Oui. Sur la Lune, Jean Blouvac, on parle aussi beaucoup. Alors là, on est encore un cran plus loin parce qu'on ne maîtrise pas ici sur Terre de la technologie, mais de la possibilité d'utiliser de l'hélium-3 et notamment avec pour ambition de servir de carburant à un éventuel moteur à fusion nucléaire. Là, où on en est déjà sur les questions de l'hélium-3, est-ce qu'on sait l'extraire, comment ça se passe, est-ce que c'est vraiment pour le moment une solution stricto sensu théorique, ou est-ce que il est envisageable que d'ici 10, 15, 20 ans, quand ITER aura peut-être fait des tokamak en Chine ont réussi à performer la fusion nucléaire, ça va très vite devenir possible? Alors, faut jamais dire que quelque chose va être impossible dans le futur, mais je crois qu'aujourd'hui, dans ce domaine-là, et pour plusieurs raisons, on est un peu encore dans le domaine de l'extrapolation et de l'imaginaire. Deux aspects. Tout d'abord, l'utilisation que l'on pourrait faire de l'hélium-3 sur Terre n'est pas encore les modèles que l'on utilise dans les systèmes d'études, dans les tokamaks dont vous parliez. C'est pas cette réaction utilisant l'hélium qui est utilisée, mais une réaction utilisant des corps hydrogène ou tritium actuellement. Et c'est sur ce que l'on travaille. Et donc, même si théoriquement l'idée d'avoir moins de neutrons est le sujet avec l'hélium-3, on n'est pas encore là sur Terre et pour de nombreuses années. Ensuite, il faut imaginer l'hélium-3 sur la Lune, de la connaissance que l'on en a actuellement. Ce sont des parties par milliard qui sont réparties dans le régolithe. Et donc, imaginez vouloir extraire cet hélium-3 indépendamment de tout ce qui va être rendement de la façon dont on pourrait l'extraire, etc. Ça veut dire remuer des kilomètres cubes de régolithe à la surface de la Lune. Donc ça, c'est des choses qui sont à des échelles assez invraisemblables par rapport aux moyens qu'il faudrait mettre en œuvre et aux risques aussi associés, puisque ça voudrait dire probablement mettre en suspension des quantités de régolithe et donc des difficultés potentielles. spatiale. Donc je crois que c'est aujourd'hui, cette idée-là qui apparaît régulièrement, il faut la considérer comme quelque chose de éventuellement futuriste, mais pas l'objet en tout cas pour les quelques dizaines d'années à venir. Oui, bien sûr. Si on revient pour conclure cette émission, Lionel Suchet, à des choses plus pragmatiques, notamment à des choses géopolitiques et diplomatiques, je le disais, le 7 juin dernier, donc il y a une quinzaine de jours, la France a signé les accords Artemis. C'est quoi ces accords Artemis et qu'est-ce que ça change par rapport au traité qu'on connaissait jusqu'à présent, qui était le traité de l'espace de 67 et celui de la Lune qui est de 70, je crois, de mémoire? Oui, alors c'est très différent parce que ces accords historiques sur l'utilisation de l'espace sont des accords internationaux que tous les pays n'ont pas ratifiés, ceci étant dit, mais qui traitent de l'utilisation des ressources, notamment et de l'utilisation de l'espace. Là, Artemis, c'est un cadre non engageant, c'est-à-dire que ça n'engage à rien les pays qui le signent, sauf à se mettre d'accord, à travailler ensemble au cadre qui va permettre d'aller ensemble explorer les autres astres. C'est-à-dire que on a signé, c'est les États-Unis qui signent en bilatéral avec les différents pays. Donc on a signé avec les États-Unis cet accord Artemis. D'autres pays l'ont signé aussi avec les États-Unis. Donc c'est des accords multibilatéraux, comme on dit. C'est-à-dire deux à deux, avec les États-Unis au centre de l'étoile, si vous voulez, qui disent, si vous voulez travailler avec moi sur l'exploration, sur ce que je vais faire sur la Lune, signez les accords Artemis et vous êtes embarqués dans l'équipe qui va travailler sur la préparation de la mission, les règles qui vont s'y dérouler, etc. Et c'est vrai que, une fois de plus, le fait de passer d'une mission one shot, je plante un drapeau et je reviens, à une mission où je vais m'implanter de façon durable, au niveau politique, c'est très très différent, parce que, qu'on le veuille ou non, on va se poser la question de l'appropriation des ressources, de l'appropriation des terrains, tout simplement, et ces choses-là se discuteront avec ceux qui feront partie de l'aventure, qui auront les capacités, qui seront sur place, et pas avec ceux qui auront des décider de rester sur Terre et de pas s'en occuper. Et donc là, on a un choix. Oui, ou de faire les choses de leur côté. Ou de faire les choses de leur côté comme la Chine. Ou faire les choses de leur côté, donc eux pourront avoir des règles différentes qu'ils auront définies à leur niveau. Il faudra voir comment on homogénéise ça au niveau international, ce qui est quand même une gageure et qui est quand même quelque chose de passionnant aussi pour le futur, notamment des juristes et des politiques. Mais en tout cas, ceux qui décideront de ces règles-là et qui les mettront en œuvre seront ceux qui seront sur place. Et la question qui est éminemment politique, c'est est-ce qu'on veut en être ou est-ce qu'on veut observer ça de l'extérieur? Et ça, c'est des choix politiques qui doivent être fait, et la signature d'Artemis, c'est un premier pas vers cette orientation, si vous voulez. Des observateurs disent que finalement ces accords sont toujours signés un peu avec, passez-moi l'expression, un flingue sur la tempe en disant si vous voulez y être, vous avez qu'à signer, et qu'en même temps ces accords dévoient beaucoup ce qu'était le traité de l'espace et notamment ce qui concerne l'appropriation des terrains et l'utilisation des ressources. C'est vrai ou c'est faux ça, Lionel Suchet? Non, pétard sur la tempe, j'emploierai pas cette expression. On a toujours le choix de pas signer. Et si on a signé ces accords, c'est qu'on pense qu'on a intérêt à les signer. Évidemment, on comprend bien qu'on a toujours intérêt à être autour de la table plutôt que d'être à distance et de regarder les choses en spectateur. Donc, on fait partie de l'aventure. C'est pour ça qu'on a signé ces accords. Sur l'appropriation des ressources, oui, vous avez raison. On a signé des accords, une fois de plus, qui sont pas ratifiés par les principaux acteurs du spatial. Donc, les accords qui disent on va tous utiliser le espace dans une logique pacifiste sans s'approprier les terrains, etc. C'est pas ratifié par tous les pays et c'était il y a plusieurs dizaines d'années. Donc aujourd'hui on est dans une autre logique et qu'on le veuille ou pas, je pense que ces questions vont se reposer et il y aura de nouvelles discussions et de nouveaux accords, pour le coup de vrais accords internationaux au niveau ONU qui vont être discutés, ratifiés et signés. Et donc les choses vont changer parce que le monde évolue, parce que les choses bougent. Par ailleurs, comme on disait depuis le début de cette émission que ce n'était pas répété la mission Apollo, le contexte géopolitique est très différent puisque maintenant la concurrence n'est certes plus, en tout cas pour l'espace, celle de la Russie, mais celle de la Chine qui a des ambitions et qui a déjà quelques succès impressionnants à cet égard, et notamment le fait d'avoir réussi à envoyer des missions automatiques sur la face cachée, ce que personne n'avait réussi à faire jusqu'à présent. La Chine a aussi l'ambition d'avoir une base, d'avoir un gateway autour de la Lune. Et puis il y a aussi les acteurs du New Space qui parle également de Mars. Quelle est la place de l'Europe là-dedans, pour conclure Lionel Suchet? Est-ce que il n'est pas exclu qu'à un moment donné l'ESA dise ça suffit, on y va nous aussi, et nous aussi on veut notre petit lopin de régolithes sur la Lune? L'Europe, d'abord, et la France en Europe, on a les technologies, on a les agences spatiales, on a les industriels, on a les chercheurs, on a toutes les capacités pour y aller. Alors pourquoi y aller avec les Américains à ce moment-là? Parce qu'on voit, on pense que l'exploration est un objectif de l'humanité quelque part et qu'elle doit se faire en coopération et qu'on est dans une logique coopérative. En plus, ce sont des explorations qui coûtent extrêmement cher et on pense qu'il est bien plus efficace de partager les coûts plutôt que de chacun se développer son système. Et ça, une fois de plus, ce sont des décisions éminemment politiques. Maintenant, on peut avoir plusieurs niveaux de participation et soit on peut être sur un strapontin et avoir une toute petite participation et être juste passager quand on veut bien qu'on soit passager, ou alors on est un partenaire majeur en construisant, comme on a fait sur Orion, le service module qui est tout le système propulsif d'un véhicule, où on construit, comme on se prépare à le faire, les modules de la station qui orbitera autour de la Lune. Et donc là, on devient un partenaire majeur du système. Et c'est ces choix-là qui doivent être pris dans les années qui viennent, enfin qui ont commencé à être pris, comme je vous l'ai dit, avec les exemples que je vous ai donnés. Mais c'est les choix politiques qui devront être pris demain sur la position de l'Europe et la position de la France qui, une fois de plus, ont tous les atouts pour y aller. Il faut que politiquement on décide de à quel niveau on peut participer à cette aventure. Mais cette aventure, on ne la voit pas personnelle. C'est pas un pays, c'est pas l'Europe qui va faire ça tout seul, parce que c'est d'abord une quête de l'humanité et il faut y aller ensemble. La France, au sein de l'ESA, elle est plutôt dans le sens de l'encouragement, elle est plutôt favorable, elle est plutôt prête à mettre un peu plus de billets sur la table pour faire partie du voyage, ou elle est plutôt plus frileuse que d'autres partenaires européens, en un mot? Non, on peut dire aujourd'hui que la France est quand même moteur dans cette réflexion. D'ailleurs, il y a une réunion de l'Agence spatiale européenne et de l'Union européenne combinée à Toulouse en février dernier. Et le président Macron a fait un discours citant justement ces choix importants qui doivent être pris dans le futur sur l'exploration et le rôle que l'Europe, il est aussi président de l'Europe à ce moment-là, que l'Europe doit y jouer et la France aussi. Donc on a une position très, très positive et très motrice sur ces sujets-là en ce moment. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Lionel Suchet, merci Jean Blouvac d'être venu nous parler de ce programme Artemis et puis de la place du CNES et de l'ESA dans ce retour des êtres humains sur la Lune. Merci à nos camarades et à nos collègues de France Bleu Occitanie à Toulouse. Pour le duplex, la méthode scientifique, c'est Natacha Triou, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Eve Etienne, Amel Boucherka, Céline Lozène, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Alex Dang à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et en réécoute sur franceculture.fr, et ce à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.